DK. SS. Ok. Parce que. Ok. Yeah. Parce qu'on vient d'en bas et qu'on y est toujours. Parce qu'on lève les bras pour voir la lumière du jour. Parce que je me justifie dès que je fais des erreurs. Parce que je suis terrifié et que j'ai écrit, j'ai peur. Parce que je suis fort mais mon mental est mis à rude épreuve. Parce que j'ouvre les stores et que je dois faire mes preuves. Parce que je suis voué à l'échec mais que je m'en sors. Parce que celui qui est tombé plusieurs fois est forcément plus fort. Parce que j'ai des rêves dans la tête comme tout jeune. Parce que je sais que c'est perdu d'avance. Donc j'ai le seum parce que j'écris des textes selon mes états d'âme. Parce que je suis parti sur un coup de tête et que je me fais bouffer comme aux dames. Parce que la vie est trop courte mais quand j'y pense je me lamente sur mon sort. Parce que je suis fou mais les apparences me prouvent que j'ai tort. Parce que j'ai un sentiment de finir ce texte mais je suis qu'au début. Parce que le ciel est la limite mais que je veux aller au-dessus. Parce que mes rêves de gosse sont loin et que je suis rattrapé par le temps. Parce que j'assume mes actes en vain et que je me retrouve en plan. Parce que je dois tracer ma route mais malheureusement j'ai calé. Parce que j'ai l'ambition d'aller plus haut, je n'en pas de calé. Parce que je sais que je ne peux plus me faire confiance à moi même que je suis mal accompagné. Parce que même entouré, la solitude me malmène, ambition d'être premier. Parce que j'ai des potes et que je connais pas l'amitié. Parce que mes conneries je supporte celles qui n'apportent pas la pitié. Parce que je remercie le ciel de ne pas être malade. Parce que je suis le seul sur une plaie même si mes soi-disant amis nient. Je suis que la groupie de la grenade. Parce que Mister le cire c'est qu'un délire entre potes. Parce que je réussirai si la chance me supporte. Parce que j'écris des 16 pour évacuer mes peines. Parce que j'écris des 16 quand ma jouissance est pleine. Parce qu'il est facile de rêver. Parce qu'on gaspille notre temps pour essayer de les concrétiser. Parce qu'à 14 ans je n'ai jamais connu le vrai je t'aime. Parce que quand je dis que même me suivent me retrouve seul mais je remonte en selle. Parce que je fais des erreurs à chaque pas que je fais. Parce que je me sens bien que les jours de fête. Parce que la vie est dure et ça c'est un fait. Parce que les répercussions durent en effet. Parce que mes rêves de gosse sont loin et que je suis rattrapé par le temps. Parce que j'assume mes actes en vain et que je me retrouve en plan. Parce que je dois tracer ma route mais malheureusement j'ai calé. Parce que j'ai l'ambition d'aller plus haut que le nord pas de Calais. Parce que je sais que je ne peux plus faire confiance à moi-même. Que je suis mal accompagné. Parce que même entouré la solitude me malmène. Ambition d'être premier. Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Parce que dans notre vie le seul but est le coup de gueule. Parce que j'écris des lignes et que je me proclame auto-artiste. Parce que la vie cache des secrets auxquels jamais on assiste. Parce que même si on souffle la vie vaut le coup d'être vécu. Parce que le suicide est lâché et que le taux jamais ne diminue. Parce que je suis amateur et que j'irai pas loin. Parce que chaque rappeur avec un texte me la met de loin. Mais parce que j'y crois quand même. Parce que j'écris sans thème. Parce que j'en ai marre d'acheter que des cris sans thème. Parce que je suis pas comme les autres, je suis trop bon, trop con. Non, parce que du rap, je suis que l'autre marre de net que la vie. Tant parce que je me répète et que je veux plaire aux gens. Parce que je m'en fous des critiques, mais les remerciements sont touchants. Parce que c'est la fin, mais j'ai l'impression d'être au début. Parce que même si j'arrive pas à mes fins, le monde de la musique, j'aurais vu. Parce que mes rêves de gosse sont loin et que je suis rattrapé par le temps. Parce que j'assume mes actes en vain et que je me retrouve en plan. Parce que je dois tracer ma route mais malheureusement j'ai calé. Parce que j'ai l'ambition d'aller plus haut que le nord pas de Calais. Parce que je sais que je peux plus faire confiance à moi-même. Que je suis mal accompagné. Parce que même entouré la solitude me malmène. Ambition d'être premier. Parce que j'ai trop de choses à dire, je finis par dire de la merde. Parce qu'à la moindre erreur, on me dit je suis la bouteille à la mer. Parce que je me pose beaucoup de questions et que les réponses sont d'autres. Parce que mes illuminations ne m'ouvrent pas de porte. Parce que j'ai tout à prouver mais que je n'ai pas de jury. Parce qu'il est facile de me trouver qu'un commentaire m'ébahit. Parce que je suis difficile à cerner. Parce que c'est ici que ça se fait mais que j'ai pas besoin de me concerter. Parce que je ne contrôle plus rien, j'attends que tout ça se tasse. Parce que j'ai fait trop de feintes et que ça casse ou ça casse. Parce que je suis en manque d'adrénaline et je m'enfonce et je prie. Parce que je suis de plus en plus au fond et dans ma tête j'entends des cris. Parce que je fonce dans le mur et que terrible est l'accident. Parce que je me lance à corps perdu et qu'il y a bien longtemps que je suis plus dedans. Parce que je n'ai pas tout dit mais que je m'arrête quand même. Parce que personne ne m'envie, je suis le stan de moi-même.